est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à l'émission Électro-Tactile pour un 2 heures que je qualifierais d'intensité, d'intense et d'un voyage planant dans l'univers électronique. Et oui, où nous divaguerons assurément dans les antennes dérivées de ces genres. Lisa à l'antenne avec vous ce soir et je vous ai organisé une méchante soirée d'ambiance. Et comme d'habitude, ben, je vous invite fortement à lever le son pour une écoute optimale de ce qu'on vous proposera ce soir. Donc, on se gâte, on sera en quelque sorte dépourvu de limites, donc on se laisse aller avec autant du glitch qu'électropop, de l'instrumental, du jazz électro, en passant par du franco et quelques coups de cœur de la semaine. Donc sur ce, allons tout de suite s'exalter avec un premier bloc musical signé de Glitch Mode, mais juste avant, quelques pièces de mon cru et on vous revient tout à l'heure. Donc, vous êtes en direct de l'émission Électro-Tactile sur C'est fou 89.1. Breaking down the walls that have kept us in prison. C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. Thank you. venons d'entendre. Deux pièces, peut-être une pièce et demie, qui sait, tirée du premier album Drink the Sea du trio californien, sorti en 2010 de Klitsch Mob, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, jeune groupe, certes, mais à fond dans la tendance électro du glitch hop. Donc, leur nom n'est pas très original, finalement, mais bon, des fois, c'est mieux de même. Et qui influence la côte ouest des États-Unis. D'ailleurs, leur nom est vraiment une sac blague avec ce genre électronique-là. Et ça l'a resté. Donc, des fois, les petites blagues deviennent marquantes pour les fans de ce genre. Donc, toujours dans une ambiance bien ficelée et réfléchie, ce groupe est intéressant, déstabilisant aussi parfois. Donc, à s'approprier pour une meilleure écoute, un petit conseil comme ça. Et pour l'intéresser, leur dernier album paru en 2011, We Can Make the World Stop. Donc, ce petit EP vous plaira, c'est sûr, à coup sûr. Et je vous ai mis aussi sur la page Facebook de Electro-Tactile quelques petites informations sur ce groupe. Donc, sur ce, on retourne immédiatement en musique avec un bloc mélangeant différents styles, mais notamment l'électro-pop. Donc, on se garde ce soir. Vous êtes en direct de l'émission Electro-Tactile sur C'est fou 89.1. Thank you. Yeah. Vous venez d'entendre Gold Panda avec la pièce Back Home. Ce DJ d'Electronica originaire d'Angleterre a un son, ma foi, séduisant. Un peu à la glitch hop qu'on vient juste de parler avec Glitch Mob que nous avons écouté un petit peu plus tôt dans l'émission. Avec une petite touche de hip-hop et de nostalgie électro. Moi, je trouve que c'est comme du bonbon à savourer longtemps. Et tu sais, en profusion. Tu sais, pas de modération avec Gold Panda. D'ailleurs, je vous mets un lien vers leur MySpace et un certain vidéo sur la page Facebook Électro-Tactile. Je vous invite aussi à participer si vous avez des propositions musicales. Je vous garantis que je les passerai en ondes. Donc, ça vous tente d'aller faire un tour là-bas. Facebook Électro-Tactile. Et en début de bloc, et oui, c'était Prefuse 73 qui nous livre toujours de l'expérimentation intelligente et minutieuse. Et surtout, novatrice dans un peu le mélange des styles hip-hop instrumental, de l'électronica, un peu à la Hot Rusher et du breakbeat. Et Aaron, finalement de son vrai nom, démontre une grande aisance et une compétence technique sur cet album. Donc, One World Extinguisher, sorti en 2003. Donc, on est séduit par cette précision musicale. Donc, désolé de la prononciation de cet album, mais bon, One World, retenez ça. C'est un vieux CD, mais combien bon. Je vous propose finalement de commencer par ça si c'est vos premiers contacts avec Prefuse 73. Bon, assez parlé. On retourne en musique avec Dorian Concept. Un artiste, ma foi, surprenant. Ma foi, mon Dieu. Donc, je vous rappelle que vous êtes à l'Électro-Tactile, l'émission qui parcourt et divague, et oui, assurément dans les sphères de la musique électronique et les nombreuses antennes dérivées. Donc, tout ça sur C'est fou 89.1. Thank you. Ah oui, vous l'avez sûrement reconnu. Même si je vous l'ai dit en avant le bloc musical, mais c'était Dorian Concept avec ce EP Minimalization qui laisse finalement personne indifférent. Je ne sais pas ce que vous faisiez à la maison, dans la voiture, mais ici en onde, on dansait. Donc très simple, pour ceux qui ont le vinyle, la face A se déchaîne avec la pièce Vertical Output que l'on entend encore en arrière. Donc, préparez vos haut-parleurs avec cette toune et soyez prêts à lever les mains dans les airs. Donc, en show, ils sont excellents pour ça. Et pour la face B, avec le morceau Chocolate Milk, c'est un pur délice. Bon, sans vouloir faire de jeu de mots, mais on peut quand même qualifier le travail de Dorian Concept comme un headphone musical for the dance floor. Donc, c'est assez intéressant ce soir. Donc, on se gâtait. On se gâte aussi avec Dorian. Donc, à voir aussi ses deux autres singles sur Trilingual Dance Sex Experience. En tout cas, c'est vraiment bon. Donc, on retourne en musique avec un trio de trois artistes qui assument leur style propre avec des notes franco. Encore de l'électropop et avec un peu d'absurdité. Bonne écoute, vous êtes à l'électrotactile, l'émission qui dérive, peu importe, solidement à travers les antennes de la musique électronique sur C'est Fou 89.1. Vous êtes à C'est Fou pour l'écouter. 89.1. Dans une piscine, on me voit. Regardez-moi, regardez-moi. Dans la baignoire, cheveux noirs. Oubliez-moi, oubliez-moi. Dans une piscine, on me voit. Regardez-moi, regardez-moi. Dans la baignoire, cheveux noirs. Oubliez-moi, oubliez-moi. Dans une

assez. Hey, quel bon bloc musical on vient de se livrer là. En tout cas, vive la fête. Et oui, avec assez tiré de l'album Nuit Blanche, que j'ai découvert jadis là, par mes collègues radiophoniques de l'époque du lobby. Et depuis, ben, j'ai resté accrochée à ces rythmes franco hors du commun. Et je vous avoue que assez est une de mes tunes fétiches. Donc, groupe d'électropop, on se le cachera pas. Et à titre informatif, une de leurs chansons exactement se retrouve dans le film Les Amours imaginaires de Xavier Dolan. C'est là aussi qu'on les a vus au Québec, là, notamment qu'on les a appréciés. Ces excellents artistes belges nous livrent toujours de la bonne composition. Et je suis très heureuse d'avoir découvert ce groupe. Je vous ai mis d'ailleurs une vidéo qui démontre bien leur style professionnel et musical. Donc, on a aussi entendu l'artiste Copy avec la pièce de Closet Face. L'album Air Guitar est bien réussi, je trouve, avec une ambiance elle a un peu électro-chill à merveille. Un gars de Portland spécialisé dans la mélodie et l'instrumental électro-pop, mais qui peut aussi toucher là, un petit peu à l'électro-disco. Donc, c'est ça qu'on entend aussi beaucoup en back, puis c'est pour ça qu'on aime bien Copy. Donc, c'est très intéressant dans son genre. Et en premier temps, je vous livrais de l'excellent pop électro-kitsch français. En tout cas, on ne sait pas trop comment les nommer, mais Housse de raquette avec la chanson Aquarium de l'album Alésia, qui est paru en 2011. Cette chanson, à mon avis, est décidément la meilleure, voire le clou du spectacle, avec ses paroles un peu absurdes, mais tout à fait assumées. Ah, c'est français. Housse de raquette, un groupe à connaître si ce n'est pas déjà fait. Donc, retournons immédiatement en musique avec Kelp et Theophilus London. Oh oui, on se met un peu de piquant et de sexy à notre soirée sur Électro-Tactile, assez fou, la Radio Campus de Trois-Rivières. everybody is afraid of the end of the world. Everybody's intimidated about the end of the world. What's going to happen? Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Chocolate candles. It's time to live it up. Oh, horse and carriage ride round the villa and rock chinchillas. Girl, I ain't going nowhere. Sit here and play cops and robbers down by the moonlight. Sunrise, time to go. Grab your phone, take some pictures. Love in a modern. Chocolate candles. It's time to live it up. Oh, matching shiny shoes, dressed like Thriller, and watch Godzilla. It's a lovely Sunday. Sit here and pack a big old lobster, shrimp and pasta. I seen you first when I call. Grab your phone, change your status. Love in modern. And brown, until I seen, thought I needed help. It's really not, I felt so shook, I couldn't catch my breath. Ooh, there goes my shirt up over my head. Oh my. Ooh, there goes her skirt dropping at her feet. Oh my. Ooh, some kind of dust caressing my legs. Oh my. I try to avoid this thing from happening. Swallow my pride, forget about it, and part of it. their age, felt just like mine. Like I worried, I looked over to the left, reflection of myself, so shook, I couldn't catch my breath. Ooh, there goes my shirt above my head, oh my. Ooh, there goes her skirt dropping at her feet, oh my. Some kind of dust caressing my legs, oh my. I'm turning red, could this be? Hey! Midnight lover, sex in the afternoon. I met you last night, I didn't mean to have it soon. Laughing with each other and tapping one another. She's trying to get it twice, she whispered under covers. T-H-E-O-P-H-I-L-U-S. H-O-M-T-O-N, who else? You best, it's just two deaths. They never know what's next, see it's best to have them clueless. Ooh, there goes my shirt above my head, oh my. Her skirt dropping at her feet, oh my. Ooh. Some kind of dust caressing my legs, oh my. Ooh. I'm turning red, who could this be? But I'm over to the left. I'm over to the left. I look over to the left. Left. Coming out of her shirt left. And her skirt came down. Oops, there goes my shirt above my head. Oh my. Ooh, there goes her skirt dropping at her feet. Oh my. Ooh, some kind of dust caressing my legs. Oh my. Oops, I'm turning red. Yeah, j'avais promis que ça allait être sexy un peu, hein? On vient d'entendre Théophilus London avec Wine and Chocolate et Oups, cette merveilleuse chanson que je ne peux jamais m'empêcher de passer malgré dans n'importe quel type d'émission. Je trouve que ça y va. Je vous ai mis d'ailleurs, pour le plaisir de vos yeux, plutôt que pour vos oreilles, le vidéoclip de Oups de Théophilus London. Donc, on s'est gâté, on se l'avait promis, et c'était entre autres à cause de Théophilus qui a fait un malheur finalement dans son passage à Montréal cet été, et son électro-pop fonctionne à tout coup, qui une pop qui combine des beats lourds, une voix formidable, vraiment là, une voix masculine qui donne la chair de poule, et que ça donne un résultat puissant, intense. Donc bravo à Théophilus qui performe et qui est très bon finalement. Et on commençait notre écoute avec Kelp, ce producteur british qui fait dans le le beatmaker, pardon, c'est la fin de l'émission, ça paraît. Donc un son très perceptible et complet. Moi, je trouve vraiment que c'est un artiste qui est complet, une très grande qualité, très grande précision dans les transitions musicales. Donc ce soir, Hatfield, Fuzzy, de l'album du même titre, et Clearance de Cambio Wish Cell, paru tous les deux en 2009. Donc, à découvrir aussi son nouvel album, si vous avez aimé ça ce soir, ou si vous connaissiez déjà Kelp, qui est à mon avis un petit peu plus près de Flying Lotus, Sepalcure, Rusty. Donc, à découvrir là-dessus. Et donc, nous sommes déjà rendus à la fin, chers auditeurs de Électro-Tactile, mais je ne vous laisse pas en vain. On va mettre une proposition musicale d'une auditrice via Facebook qui nous a proposé Foxtrot avec la chanson particulière Colors. Donc, on va vous mettre ça. Et ensuite, je vous lance deux pièces de Beat Market. Je n'avais déjà parlé la semaine dernière. C'est ce nouveau duo électro-montréalais qui font leur grand lancement de l'album Red Magic. Donc, un album puissant, qui frôle Daft Punk, donc pour les old school, new, electro, en tout cas, je sais pas comment appeler ça. Faites-vous-en une idée, pardon. Donc, je vous remets finalement les liens web encore sur Facebook là, pour vous rafraîchir la mémoire. Et je tiens à vous dire que le 9 octobre prochain, donc c'est mardi prochain, au Divan Orange, ils seront en lancement et en performance. Et le 19 octobre, au Cercle, donc à Québec, si ça vous intéresse. C'est un show à ne pas manquer. Et la semaine prochaine, à Électro-Tactile, toujours à la même heure, jeudi 21h, nous aurons une entrevue en direct avec Beat Market. Donc, c'est à ne pas manquer. Je vous donnerai plus de détails dans la semaine sur Facebook, à savoir l'heure et les précisions là-dessus. Donc, j'espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie ici à Électro-Tactile. Nous, on s'est éclatés. On avait promis du pop, on avait promis du sexy, on avait promis de sans limite, et je pense que c'est mission accomplie. Donc nous, on a eu un fun fou, et j'espère que vous aussi. On vous se donne rendez-vous la semaine prochaine sur C'est fou, 89.1, pardon. Et voilà, on part en musique tout de suite. Arrêtons de parler. Bye bye. Sweet.